Le groupe de félicitations des Coréens au Japon pour le 7e congrès du Parti du Travail de Corée, conduit par Pu Yong-woo, président de la direction pour la préfecture d'Osaka de l'Association générale des Coréens restant au Japon, a déposé le 30 avril un bouquet de fleurs devant les statues des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il sur la colline Mansu à Pyongyang. Il est arrivé à Pyongyang par vol le même jour.